King of East. Vince, Chris, ja, bra! Ratata! Si j'étais blanc, un mec important, intelligent, avec l'argent, un privilégié, aux soucis légers, grâce aux sous, sans penser, en dépensant, que ce sont des enfants qui ont bossé pour mes casquettes, mes baskets, la vérité est masquée, le racket du tiers-quart au tiers-monde, les guerres, les bombes, la mer qui tombe, ressent les secondes, le sang qui s'écoule, comment dire que c'est cool. Les multinationales me trouvent, maison, disque et contrat. C'est pas là que tu me trouves, plus tard au contrat. Avec nous, ouvre tes oreilles, aux lyrics tu réveilles. La vie, c'est gris, pas noir ou blanc, je l'ai compris. Écrit, métis, mix, et tous s'enrichissent. La masse, Thionville, Metz, en peace, yes. La vie, c'est gris, pas noir ou blanc, je l'ai compris. Écrit, métis, mix, et tous s'enrichissent. La masse, Thionville, Metz, en peace, yes. Ouais, et si j'étais black? Si j'étais black et que les portes me claquent à la tête, que je n'avais que le rap pour réussir de façon légale, alors je me régale de rimes fatales. Faut dire qu'on traque les regards de travers, trahissent la peur et la colère. Sale choc, interdit du chic, on se réfugie dans le chic et l'esprit pour espérer que le tragique s'arrête. Intègre mes nègres sous nerfs, ce sont des êtres humains, putain. Partout on les empêche de pécho des biens. Vous êtes à part pour les apparts, pas le bon profil pour le taf. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Après la lutte des classes, on fait la pute sur les races. Dans un pays évolué, pollué par la xénophobie à tuer. C'est fou mon ami d'être englué dans la mise en marge d'enculé de barge. La barre qui se barre avec ce texte que je crasse pour faire bousculer. La vie c'est gris, pas noir ou blanc, je l'ai compris. Écrit, métis, mix, et tous s'enrichissent. La masse, Thionville, Metz, sans puce, yes. La vie c'est gris, pas noir ou blanc, je l'ai compris. Écrit, métis, mix, et tous s'enrichissent. La masse, Thionville, Metz, sans puce, yes. Yes, yes. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. Un, deux. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. La vie c'est gris, pas noir ou blanc. Pas noir ou blanc, gris. Est-ce que t'as compris?